Moi, je sais pas où ils sont. On en fait une dernière avec nos comparses. Où sont-ils ? Les amis d'Henri, Léon et les autres. copain guignol, un spectacle permanent. Et vive l'école, et vive le régiment. Tout le monde en rigole, et tout le monde y croit. Mais toi, j'ai cassé une corde. On va la changer, c'est mieux, non? Nico, là, je te vois en haut. Dans mon blouson, il y a un jeu de cordes. Ok, ouais. C'est dans la poche gauche, je crois. De mon blouson, il est sur un dossier d'une chaise. C'est peut-être le temps d'aller boire une bière. C'est con, ça. Faut que ça arrive ce soir, forcément. Il l'a trouvé, oui. Une blague, j'en ai pas, moi. Je raconte toujours les mêmes, en plus. Alors c'est... Merci Nico. Donc c'est des cordes de professionnels, hein. Attention, elles cassent pas celles-là. Raconte une blague, Ben. Donc c'est Ben à la guitare électrique. Non, est-ce que dans le groupe, il y a un classement des blagues et je suis le dernier. Il y en a qui sont meilleurs. Tu penses à Laurent le violoniste. Fred Bass, là, qui fait la contrebasse, qui est derrière, qu'on peut applaudir. Il en a une super bonne qui raconte à la fin de tous les repas, c'est toujours la même. Et Fred, viens. Je te tiens ta contrebasse, si tu veux. C'est même pas vrai. Oh, c'est pas vrai, désolé, je connais pas. Ils veulent une blague, Fred. Je vais plutôt passer alors le tour à Jérôme, puisque c'est ça, puisque on s'amuse à faire ça. Jérôme, Là on est obligé. On est obligé de vous sortir vraiment le must. Vous voyez, sur une échelle, je sais pas, on pourrait dire une échelle à 12 barreaux, il y a les 6 premiers de 1 jusqu'à 6, puis à un moment il y a un grand creux, et le meilleur. Le meilleur. Fred Accordéon. Bon alors c'est. C'est un Américain, un Belge et un Espagnol qui rentrent dans un bar. C'est un Américain, un Belge et un Espagnol qui rentrent dans un bar et le patron du bar il leur fait non, si c'est pour une blague, dehors. Et désolé, hein.